C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. C'est Kiki, c'est Mo. C'est Big Big Gilberto. D-D-D-O-C. Me parle pas de pompe, me parle pas de douillet, me parle pas de skunk, parle pas de ce que tu ne connais, ma putain d'ombre, seuls les aveugles peuvent te compter. Caché derrière l'ombre de la nuit, des esprits m'abaient. Me parle pas de gag ou l'élégance, si vraiment tu ne vis pas dedans. Parle pas mais viens voir, viens t'asseoir dans mon ghetto vraiment. Ce qui se passe dans nos halls, dans nos bâtiments, es-tu sûr de vouloir le savoir vraiment? Entre crime et corps retrouvés, de la drogue est distribuée. Même les poulets ne sont pas renseignés, ne savent pas ce qui se passe dans nos cités. Donc une opération est demandée, c'est là que se détruit. Tu parles, rien que des cons, des bâtards, imbéciles. Ne savent pas tout ce qui se passe le soir dans ma vie. Si les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Si les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Dans la nuit, tout est permis, on se fout de ton bling bling. Le Jekdar n'est pas gratuit, faut assurer sur le ring. Pour les anciens et les petits, tous des neveux du crime. Go, je te ramène en live, le son du dispatching. Dans la nuit, je me déplace tel un fauve. Dans la jungle, des hauts cisailleurs, des classes, c'est un putain de lion. Ma plume arrache la feuille, des boîtes comme le seum. Un négro qui a la rage, comme Toumani ou Blaison. La tension est palpable, tu devrais le comprendre. Errer sur terre, voir qu'il n'y a rien à y prendre. À entendre les juges et les condés, faudrait que chacun se rende. Nous on se rend compte que des boys cavalent toujours pour pendre. On s'inscrit dans la durée, j'indique tout simplement. En accord avec les idées que je défends publiquement. Grigny, la coméra COP, sois confiant des OC. Vous faites copier son médicament. Si les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Si les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Comme Borel. Demande pas son âge, un petit qui porte le flingue, un petit qui devient dingue, un petit qui kiffe les ghetto-brinques. Nous demande pas pourquoi dehors y'a tes seringues. Et le peu de lumière qui nous reste, le gars tient, il veut les éteindre. Non, nous demande pas pourquoi on a mal. 2007 et 7 fois plus de gilets pare-balles. Et on a tous le même proverbe dans les rues. Dans ta ville tu me blesses, dans la mienne je te tue. Et si je te tire dessus, je tire sur moi-même. Tire sur ma famille et tire sur le fil de mes problèmes. Qu'est-ce, c'est quoi les bails? Les guéguerres dans les banlieues, est-ce que tu connais c'est quoi les bails? Qu'est-ce, c'est quoi les bails? Les gogoles qui t'attendent au feu rouge, c'est ça les bails. Mais qui tu quêtes du coin de boy? Sur le micro c'est des OC et la caméra si boy. Les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Si les portes s'ouvrent, reste sur le palier. Si mon monde tu découvres, l'ombre de la nuit, mon quartier. Oui, c'est dans l'ombre de la nuit que je suis né. Et c'est dans l'ombre de la nuit que je finirai. Pompom.